Vous écoutez CKRL 89.1. Actualité. Bonjour, ici Dominique Lelièvre et les informations à CKRL. Limoilou compte depuis ce matin un deuxième piano public. Après le piano jaune de la 3e avenue, le piano vert a fait son entrée dans le quartier Mézeray. Son design évoque le domaine Mézeray, véritable poumon du secteur, ainsi que la ligne d'horizon des principaux bâtiments du coin. Le fondateur de Mont-Limoilou, Arnaud Bertrand, explique que l'objectif est de recréer l'engouement du piano de la 3e avenue et de dynamiser le quartier. Mézeray est un secteur à fort potentiel avec autant de population que le Vieux-Limoilou. On parle souvent de Limoilou pour le Vieux-Limoilou. Mézeray est un petit peu délaissé, un petit peu moins dynamique aussi. On a pu s'apercevoir avec l'installation du piano sur la 3e avenue il y a 3 ans. Le piano avait un rôle fédérateur, rassembleur. Peu importe son âge, si on est un étudiant, si on est une famille, on est une personne retraitée, peu importe son origine, tout le monde se retrouve autour de ce piano-là, puis peut échanger, discuter, puis créer finalement recréer un petit peu le perron d'église là, du quartier. Là. Installé au coût de 2 000 $, le piano public est désormais accessible à l'intersection de la rue Maufis et du chemin de la Canardière. Le piano sera accessible tous les jours de 11h à 21h jusqu'au 31 août, puis du jeudi au dimanche pendant le mois de septembre. À l'île d'Orléans, la réfection d'infrastructures entraînera l'abattage d'une 50aine d'arbres matures, dont plusieurs centenaires, des coupes qui sont dénoncées par des citoyens de l'île qui déplorent ne pas avoir été consultés. Les travaux visent à aménager le réseau fluvial dans la municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans. La municipalité souhaite cesser de rejeter ses eaux usées dans le fleuve. Un collectif de gens d'affaires souhaite faire revivre l'œuvre « Dialogue avec l'histoire ». Un an après sa démolition sur la place de Paris, la fameuse sculpture cubique faite de marbre blanc était un cadeau de la France. Sa destruction, effectuée de façon plutôt cavalière, avait choqué. L'instigateur du projet de reconstruction, François Leduc, est un avocat et un grand amoureux d'art contemporain. Il espère recueillir 125 000 $ auprès de gens d'affaires, d'artistes et de mécènes. Monsieur Leduc affirme qu'il est paradoxal que la Ville de Québec s'apprête à inaugurer un nouveau pavillon au Musée des Beaux-Arts, pavillon qui contiendra plusieurs sculptures d'art contemporain, alors qu'elle n'a pas su conserver le seul monument du genre qu'elle possédait sur son territoire. Enfin, on apprend que les primes accordées aux médecins spécialistes ont explosé dans la province de Québec. On n'arrive cependant pas à mesurer les effets sur les services. Selon le Journal de Québec, le gouvernement du Québec a versé la somme de 1,4 milliard de dollars en primes incitatives aux médecins spécialistes entre 2010 et 2015. L'entente entre les médecins et le gouvernement ne prévoyait cependant pas de cible pour l'amélioration des soins de santé. Le ministère de la Santé se dit incapable d'évaluer les retombées sur le système de santé. Voilà, c'était Dominique Lelièvre et les informations à CKRL.